Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les vacances au soleil et la formule du tout inclus. Moi, je suis pas contre du tout le touriste qui va aller passer deux semaines de soleil et puis pas lire les journaux, pas s'occuper de rien. Pourquoi pas? Si le journaliste voyage Guy Deshaies est tout à fait pour les vacances au soleil, souvent en formule tout inclus, d'autres, comme l'agente de voyage Solange Aune, restent plutôt perplexes devant cette option, extrait de l'émission La Même, actuelle en 1979. Je trouve que maintenant, il y a trop de gens qui s'en vont pour s'en aller, pour avoir moins froid l'hiver. Ils ne s'intéressent pas particulièrement à l'histoire, par exemple, à l'archéologie. À l'art. À quand remonte cette idée de vacances au soleil où le touriste s'abandonne à la farniente sans trop se soucier de l'endroit où il est, sinon que de savoir la mer toute proche et le soleil tout chaud? Attachez bien votre ceinture, on est parti. Ah oui! Mais ça! Je veux pas plumer, moi, comme l'an passé à Old Orchard, puis marcher les pattes écartées. Ben voyons, Bob, t'avais pris un coup la veille, là, puis t'étais endormi au soleil. De toute façon, cette crème-là est parfaite pour les peaux grasses. Ouais, elle sent bonne, hein? Ouais, hein? Ponce-moi là donc, ouais. Hein? Pasta dentale. Linda, c'est de la pâte à dents. Extrait du film Elvis Gratton, le King des Kings, réalisé par Pierre Falardeau en 1985. Et oui, même les vacances au soleil demandent un minimum de préparation. Pour nous raconter l'histoire des vacances au soleil, de la formule tout inclus également, mon invité Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour Jacques. Êtes-vous plutôt du côté des bronzés, de ceux qui affectionnent ces vacances au soleil? Non, moi je suis une bibitte du Nord, j'aime le froid, j'aime sentir la froidure sous mes pieds, sous mes doigts et dans mes yeux. Bon. Donc très peu de soleil pour moi. Bon. On va quand même, parce que donc vous êtes, je sais pas si vous êtes l'exception, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de monde depuis un sacré bout de temps qui aime, qui cherche cette petite pause l'hiver au soleil. Ça remonte à quand? On parlera du tout inclus, on parlera de ce que c'est devenu ce marché qui est un marché très, très important. Mais d'abord, ça remonte à quand? Cette idée. Parlons déjà juste de l'idée, ce concept de vacances au soleil, Laurent Turcot. Ben déjà, il faut rappeler aussi que ça s'est formalisé avec l'idée de voyage. Oui. Et le voyage, il n'est pas neuf. Les grandes élites européennes, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais partons à l'époque moderne, donc dès le 18e siècle, même 17e, l'élite britannique va faire ce qu'on appelle le grand tour. C'est-à-dire qu'on va se promener en Europe, Paris, Venise, Rome, Madrid, Berlin, pour former. Et là, on est vraiment dans un modèle d'enrichissement culturel, ouais. D'enrichissement social. Il faut aller chercher le contact de l'autre et se former en retour. De grands espaces vont se déployer, comme la Côte d'Azur, comme la montagne. Mais attention, la Côte d'Azur, on y va l'hiver à l'époque. Ah et bon? La montagne, on y va l'été. Pour deux raisons. Parce que le soleil, on ne va pas le chercher pour se bronzer. Parce que bronzer, c'est quelque chose de roturier. C'est quelque chose d'une basse extraction. Quand on est de la haute élite, à cette époque, il faut avoir un teint laiteux, un teint blanc. Donc, le bronzage, c'est vu comme quelque chose de la catégorie populaire auquel il ne faut pas s'associer. Bon. Et donc, c'est dans un premier temps, évidemment, on l'a bien compris, l'élite. La démocratisation des vacances et du soleil, de la recherche du soleil, ça arrive quand? Ben, on est à la fin du 19e siècle. Plusieurs grands mouvements sociaux qui vont engranger et permettre ce genre de voyage. Premièrement, la réduction du temps de travail. Hein. Les grands groupes syndicaux à la fin du 19e siècle réclament une durée de travail réduite. Donc, on va créer des fins de semaine, on va créer des soirées et peu à peu des vacances. Mais là, on parle véritablement de congés payés et ça, c'est dans la première moitié du 20e siècle. On pense que la France a tout inventé dans les années 30. Absolument pas. Ça s'est fait avant en Allemagne, en Autriche. Ouais. On va simplement inclure le modèle. Ce qui le permet, c'est notamment la mécanisation parce qu'on arrive à faire, dans un temps de travail réduit, autant de performances que ce qu'on faisait en 10 heures avant. Mm-hmm. On peut le faire en 6 heures maintenant. Donc, on libère du temps, on libère des vacances et ces vacances sont payées dans la plupart des cas, du moins en France, les deux premières semaines. Et là, dorénavant, il faut se lancer. Et où est-ce qu'on se lance? On se lance sur les plages du Sud. Pourquoi? Parce que le soleil est devenu quelque chose qui est associé à la santé. C'est aussi le 20e siècle, c'est le siècle du sport et les corps doivent être bronzés au soleil. Pierre de Coubertin disait d'ailleurs « Je vais rebronzer cette jeunesse qui en a tant besoin ». Donc, on est vraiment dans l'idée que le soleil, c'est salvateur et même, vous avez des médecins qui vont prescrire des doses de soleil, ce qu'on appelle l'héliothérapie. Donc, aller au soleil pour aller chercher des vitamines nécessaires. Ça, c'est pour la toile de fond, c'est la grande histoire qu'on vient de dresser, ce qui nous amène à ce concept de vacances. Et puis, ça va devenir, évidemment, une industrie très, très, très profitable. Et il y aura, tout à coup, deux petits mots qui vont apparaître dans l'imaginaire collectif. Les deux petits mots dont je parlais, évidemment, c'est Club Med, Club méditerranéen. Vous avez peut-être entendu, reconnu, en fait, cette fameuse ritournelle publicitaire qui remonte déjà au début des années 80, Haut les mains, qui est vraiment intimement associée au Club Med. C'est le Club Med, Laurent Turcot, qui, en quelque sorte, avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu, puis on y viendra nous-mêmes dans un instant, mais c'est le Club Med qui, en quelque sorte, invente la formule du tout inclus. Dans quel contexte ça et comment ça commence tout ça? Ben ça commence après la Deuxième Guerre mondiale. On le sait, ça a été la France a été troublée. Mais quand je dis la France, mais aussi toute l'Europe a été troublée par ces soldats qui reviennent, qui ont été brisés moralement, socialement, mais aussi, disons-le, dans tous les cas, du point de vue de leur corps. Donc il faut réhabiliter, redonner l'espoir et le bonheur à ces gens. Et le gouvernement belge va charger un homme, Gérard Blitz, pour et tout son réseau parce qu'il n'est pas tout seul, de s'occuper des soldats qui reviennent de la guerre. Et lui va devoir faire le tri entre les bons et les mauvais soldats, c'est-à-dire ceux qui ont œuvré pour la victoire finale et ceux qui ont collaboré, ceux-là on s'en occupe pas. Mais pour les bons, on va les amener justement dans des espaces où ils peuvent se ressourcer. Et le ressourcement va se faire par la création de ce Club Med. Et là, on est dans une philosophie qui est complètement nouvelle. On est dans la formule du tout inclus. On vous prend, vous payez, dans certains cas, on ne va pas payer, et on vous amène dans des villages qui sont temporaires. On n'est pas du tout dans le dur. C'est-à-dire des espèces de huttes qui rappellent des villages préhistoriques, mais surtout des villages polynésiens. Parce que dans l'imaginaire européen, mais plus encore français et belge, Tahiti, c'est le symbole du retour à l'homme avant la civilisation. Quand Louis-Antoine de Bougainville arrive à Tahiti, en Polynésie, en 1768, il voit les hommes qui n'ont pas été corrompus par la civilisation. Donc, les fameux colliers avec les fleurs, les robes, qu'on pense être en paille, tout ça, ça fait partie du modèle du retour à soi, du retour à avant la civilisation. Donc, c'est le modèle qu'on va vouloir impliqué. Mais plus encore, on va dire aux gens, vous arrivez au Club Med, on va prévoir les choses, mais il n'y aura pas beaucoup de choses qui seront programmées. On donne l'illusion de liberté, on donne l'illusion de l'égalité. Tout le monde, vous êtes égaux, on va même vous appeler des GM, des gentils membres, et ceux qui vont organiser les choses, ça va être des GO. Et ça, c'est dès le départ. Les gentils organisateurs, eux aussi, vont s'occuper des gentils membres, ce qui fait qu'on est dans une espèce de communauté faussement communiste, faussement libertaire, faussement égalitaire. Il n'y a pas encore, à ce moment-là, évidemment, tout le luxe qu'il y aura plus tard. Mais ça va marcher. La formule, l'esprit Club Med s'impose très, très rapidement. Le succès, Laurent, puis les chiffres parlent, le succès est rapide et fulgurant. Ah, complètement. Déjà 2700 membres après quelques années et on se rend compte que, bon, les installations premières où des fois on va dans le sud de la France, des fois on va en Grèce, on va dans le nord de l'Afrique, mais on se rend compte que les installations ne sont pas au point. Hein. Les infrastructures sont déficientes, on dort mal, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, on se dit... On n'est pas loin du camp de vacances au début. On est tout à fait dans le camp de vacances. Camp de vacances pour adultes, bon, certains diraient que c'est un camp pour laisser aller ses effets libidineux. Ouais. Bon, ça, on va en revenir là-dessus. Mais, chose sûre, on voit qu'il y a un modèle. Et qu'il y a un modèle d'affaires. Mais Gérard Blitz ne veut pas entendre parler de profitabilité. Pour lui, il est encore dans l'idée qu'il faut réinstruire les hommes qui ont été brisés par la guerre. On mesure mal aujourd'hui à quel point les affres de la Seconde Guerre mondiale ont brisé les corps et les consciences. Et lui est encore dans l'idée qu'il faut refaire ses corps et ses consciences. Donc, ouais, il est contre, en quelque sorte, mais la vague du profit va faire que peu à peu, il y a des gens qui vont s'intéresser à la chose, il y a des investisseurs qui vont rentrer. Et dès les années 60, on est dans un modèle nouveau. On commence à construire des villages dans le dur. Le premier village dans le dur, c'est-à-dire permanent, 1965, au Maroc. Et l'année suivante, on a 31 villages. Incroyable. 110 000 personnes. Exponentielle. C'est une croissance énorme. Fulgurante, vraiment. Et puis, bien évidemment, la formule, l'esprit reste le même tout le temps, mais ça va se développer avec des constructions au dur, comme vous le disiez. Puis ça deviendra un peu plus luxueux, cette affaire-là. Pour résumer cette formule et le succès qu'elle aura, on écoute le témoignage de la comédienne Michelle Allen, qui est allée au Club Med et qui vient en parler de son expérience au Club Med à Antenne 5 en 1981. Tout est prévu, tout est planifié, tout est organisé, tout est bien, sans être luxueux. Alors, il y a des activités abondantes, il y a de la bouffe abondante, il y a des sports abondants, il y a du soleil, de la mer. Je m'imaginais peut-être que le Club Med avait quelque chose de plus luxueux et de plus high class que ce que je me suis rendu compte, finalement, qu'il y a de toutes sortes de gens. De la secrétaire, de l'étudiante de cégep, de la caissière de banque, au producteur de cinéma, au directeur d'une agence de publicité, au médecin, au fabricant de brassières italien. Je crois aussi que le succès réside non seulement du fait que c'est très sécurisant, qu'il n'y a pas tellement de risques et d'aventures à y avoir en allant dans un Club Med, mais aussi dans le fait qu'on peut y rencontrer beaucoup de gens. Ah ouais, ça fait partie du folklore et de la mythologie du Club Med. Et le pire, c'est que c'est vrai. Et ça, c'est vrai parce que là-bas, à la différence de tous les autres hôtels où j'ai pu aller dans le sud, il y a une espèce de décontraction générale, de d'amicalité possible qui est vraiment étonnante. Tout est conçu en fonction de ça et je pense que c'est là que réside la clé du succès du Club Med parce que c'est vraiment rendu une entreprise étonnamment importante. Portrait du Club Med en 1981, il faut le rappeler, Laurent Turcot, parce que la formule reste la même, l'esprit convivial, collectif, mais ça évolue, évidemment, au fil du temps. Mais comment la résumer, cette fameuse recette, et pourquoi elle marche tant? Deux mots. Les Bronzés. Ceux qui ont vu le fameux film de Patrice Lecomte de 1978, Les Bronzés, avec Thierry Lhermitte, Christian Clavier, où on a véritablement cette impression où tout le monde est libre. C'est un bésodrome monstrueux. Souvenez-vous les fameuses répliques de Thierry Lhermitte. Mais ça reste associé. Ah oui, ça reste associé complètement. À l'image du Club Med, tout le temps. Là. Ah oui, mais en revanche, ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est que déjà, il y a un passage. Peu à peu, l'entreprise va être cotée en bourse. On va peu à peu aller dans des espaces où on est de plus en plus sélect. Il y a un mur du Club Med qui entoure et qui ne permet que très peu aux gens d'aller voir à l'extérieur. Ce qui fait qu'on est dans un parc d'amusement, pourrait-on dire, avec le soleil. Et l'idée de décontraction qu'on entendait dans l'archive, c'est créé justement par l'ambiance club. C'est ce qu'on appelle la formule club. L'idéal des GM et des GO, il se poursuit, mais entendons-nous, ce n'est pas parce qu'on les appelle ainsi que l'idée reste derrière. Et on le voit très vite. On a entendu en entrée la fameuse publicité avec « Haut les mains ». Eh bien, dorénavant, on ne s'adresse plus nécessairement à cet esprit collectiviste. On va chercher les valeurs individualistes et les valeurs familiales. Et là, parce que la famille va entrer, effectivement, de ce grand bésodrome, pour reprendre votre expression, auquel on assiste dans Les Bronzés. Je ne sais pas si ça existe encore, probablement, qu'il y a des rencontres. Ah, énormément. Mais la famille va entrer graduellement. Ben oui, pour une raison très simple, parce qu'il y a un marché. Et là où il y a un marché, il faut créer une entreprise pour recevoir ces gens. Et plus encore, le Club Med va comprendre qu'il y a de plus en plus de tout inclus. On va en parler dans quelques instants. Et il y a une niche encore qui n'est pas utilisée, celle du tourisme de luxe. Mmh. Et c'est vers celle-là qu'on va aller. Le fameux le tourisme 5 étoiles, 5 diamants, si vous préférez. Le tout inclus de luxe. Le tout inclus de luxe. Et tout est beau, tout est propre, tout est bon. Et c'est là-dessus qu'on va insister de plus en plus, ce qui fait que si, aujourd'hui, si vous regardez pour aller dans un Club Med, ben ça va être 4 fois le prix. Oui. Mais c'est connu que vous allez dans un Club Med, tout va être pris en charge. Il y a des gardiennes pour les enfants, il y a des activités pour les enfants. Service 5 étoiles. Exactement. Mais ça, c'est fascinant parce qu'au fond, on est parti de la tente, vraiment du camping presque sauvage au début, pour arriver à ce tout inclus vraiment de luxe. Alors, on a complètement désincarné le projet initial pour l'arrimer à cette massification du voyage et cette ultra-capitalisation du voyage qui aujourd'hui génère, avouons-le, des milliards partout. Et le Club Med a la part du lion, une part du lion assez importante, mais il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul parce qu'à d'autres destinations, ça nous amène à parler de ce qui se développe aux États-Unis en termes de marché de touristique de vacances au soleil. La Floride, évidemment. Et la Californie. On va commencer par la Floride, qu'on connaît mieux, Laurent Turcot. On a une histoire assez étroite au Québec, en tout cas avec la Floride, les Snowbirds qui y vont année après année. Ça commence quand, dans quel contexte, ce marché du tourisme au soleil en Floride? Bien, ça commence dans un premier temps. On pourrait même remonter jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Vous allez avoir, par exemple, le premier ministre Wilfrid Laurier qui, dans l'hiver de 1902-1903, va aller en Floride. Louis Saint-Laurent, qui lui aussi va y aller un peu plus tard. Et c'est véritablement les années 50-60 que là, le format de ce que vous avez appelé, avec raison, les Snowbirds, vont quitter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une catégorie de personnes qui ont l'argent et le temps. Et de qui parle-je? Des retraités. Ouais. Les retraités deviennent une force capitalisante extrêmement importante dans la seconde moitié du 20e siècle et, entendons-nous, plusieurs n'aiment plus l'hiver. Je dis n'aiment plus parce qu'ils l'ont aimé pendant un temps et là, c'est fatigant, c'est épuisant. Et il y a aussi plusieurs infrastructures qui permettent d'y accéder. Dès la fin du 19e siècle, on construit d'énormes chemins de fer tout au long de la côte atlantique pour rejoindre la Floride. Et là, on va pousser Fort Lauderdale, Key West, Miami, d'immenses villes, des villes de balnéaires, pourrait-on dire. Et là, les Québécois vont en profiter avec les autoroutes, les bateaux et bientôt les aéroports avec les avions. Ouais. Et là, ça se développe parce que vous avez les grands transatlantiques qui traversent l'Europe du point de vue aéroportuaire, mais vous avez aussi les avions qui vont en Floride. Et là, il y en a de plus en plus. Puis il y a un effet boule de neige parce qu'au fond, comme ça devient vraiment une destination soleil pour les Québécois, entre autres, on veut se retrouver entre soi. On l'a dit et redit, mais c'est le petit Québec, il y a les journaux Québec, les chaînes de restaurants Saint-Hubert, à un moment donné, qui vont être en Floride. Ça devient ça, la Floride aussi. Ah oui, c'est ça. C'est que, sans parler de ghetto, on peut parler quand même d'une forme de rassemblement québécois qui passe l'hiver. Souvenez-vous aussi du fameux film La Florida avec Rémi Girard, qui descend en disant « Aujourd'hui, il fait moins 30 à Montréal, alors qu'il y a un soleil radieux en Floride. » C'est un peu un pied de nez qu'on veut faire. Mais c'est aussi une sorte d'exutoire pour tous ces gens-là qui aiment encore le Québec, mais qui ne veulent plus souffrir les affres. Et tous ces gens-là vont avoir des espaces, juste pour vous donner des chiffres, ben, à la fin des années, dès les années 60, il y en a environ 100 000 qui y vont. Et vous avez des hôtels comme l'hôtel Sans Souci à Fort Lauderdale, la moitié de l'hôtel est occupé par des Québécois. Donc, certes, on voyage aux États-Unis, mais on se rassemble entre nous. Ouais. La Californie, à l'autre bout du pays, sur la côte ouest des États-Unis, là aussi, il y a un marché assez rapidement qui se développe. Il y a beaucoup de soleil. Hollywood est en Californie grâce au soleil à peu près constant. Ça commence quand? Ça se développe comment, ce marché du soleil en Californie? Ben, avec la ruée vers l'or, au 19e siècle, la Californie va devenir un espace commercial. Mais, vous l'avez dit, avec Hollywood, là, peu à peu, on va utiliser les magnifiques espaces pour tourner, le soleil et les plages vont être le nouvel espace. Le jazz de la West Coast avec du Paul Desmond, les Beach Boys avec Surfin' USA, tout ça va donner une image de la Californie relaxe, détendue. Et les nouveaux sports qui se développent, le skate également, le patin en roulette, ça devient une esthétique, non pas du farniente, mais de la relaxation. Ouais. Et peu à peu, il y a un mot qui va pointer, c'est Californication, qui est un mélange qui est fondé par le Times, de Californie et Fornication. Mm-hmm. On parlait tout à l'heure de Bézodrome du Club Med. Ben, qui dit plage dit aussi, non, peut-être pas une attitude douchebag tout de suite, mais une attitude de m'as-tu vu qui implique justement cette tension de la séduction, cette tension sexuelle qui se résume par la Californication. Ouais. Et en Californie, comme en Floride, on fait le pont, il y a un joueur important, Disney. Si le temps vous laisse plutôt froid, partez alors pour le royaume des vacances de Walt Disney World sous le soleil de la Floride. Ça surpasse l'imagination. Un royaume enchanté, de superbes plages, des sports, des boutiques, des spectacles et plus encore. Au centre Epcot, vivez au rythme international. Bonjour, M. Corbeil. Et explorez le monde fascinant de l'avenir. Le royaume des vacances de Walt Disney World, c'est un vrai paradis, mais n'oubliez pas votre paletot, hein? Il pourrait vous être utile. Alors, Disney, évidemment, qui mise lui aussi sur le concept du tout inclus, on y revient. Mais aussi, Laurent Turcot, c'est plus que ça. Disney, c'est surtout en Floride, c'est le parc de divertissement, il y a l'amusement, tout ça fait partie de l'offre, de la proposition Disney. Ah oui, tout à fait. On est dans l'idée d'un package. Quand vous arrivez là-bas, autant si vous pouvez être un touriste qu'un congressiste, parce qu'on oublie que Disney ne fait pas qu'offrir des voyages pour le divertissement. C'est un des plus gros espaces de congressistes. Et c'est pas pour rien que Las Vegas va s'inspirer de ce qu'a fait Disney dans les années 50. Et on voit que peu à peu, l'offre prend de l'expansion. Epcot Center, qui est le monde futuriste. Vous allez aussi avoir l'île pour les mariés, l'espace du Nouvel An, parce qu'on se dit qu'on peut capitaliser sur les plus grandes fêtes américaines. Et, encore une fois, on est dans l'idée familiale. Donc, on voit que ce qu'a développé le Club Med, non seulement c'est catalysé, il y a une catalysation de tout ce qu'on va faire chez Disney, mais plus encore, on va mondialiser la chose. Parce que, certes, on est en Floride, on est à Orlando, on est à Tokyo, on est à Paris, on est dans tous les espaces mondiaux pour contrôler la chose. Là, on se dit, bon, ben, ça y est, ils ont tout atteint. Absolument pas. Les croisières. On veut ramener cet idéal du voyage de luxe de l'élite, mais pour le commun des mortels. Donc, les Caraïbes vont être l'espace où on va de bateau en bateau et le Walt Disney Company va lancer le Disney Cruise Line avec ses fameux bateaux Disney Wonder ou Castaway ouais. Cap. On voit carrément qu'on est dans le revival du paquebot qui avait marqué les espaces au 19e siècle. Et puisque vous parlez des Caraïbes, on termine justement parce qu'on ne peut pas, de notre contexte à nous, parler de vacances au soleil et de tout inclus sans parler des Caraïbes. Il y a vraiment un marché là qui s'est développé, plus proche, en fait, plus récent, mais Caraïbes, Mexique, Antilles, Cuba et j'en passe. Ah oui, tout à fait. Cet espace-là va être l'espace par excellence. Pourquoi? Parce que c'est à côté des États-Unis. Et on le sait, les États-Unis, avec leur spring break, mais avec les quelques vacances qu'ils peuvent avoir, vont vouloir traverser. Mais attention, pas Cuba, hein, parce qu'on le sait, après 59, Fidel Castro empêche justement et les États-Unis vont faire leur embargo. Ce qui fait qu'on va voir d'autres joueurs se relever la tête, comme par exemple la République dominicaine. Ouais. République dominicaine qui était entièrement dépendante des exportations de sucre, de cacao, de bananes, va voir peu à peu ce marché s'effondrer. Et dans les années 80, on va renverser justement par la nouvelle économie, qui est une économie de loisirs, de tourisme, et on fait croire justement que tout le monde va capitaliser. On construit des aéroports, on construit des espaces, on fait entrer de gros joueurs comme Sol Melia, Barcelo, Accor, Club Med, on forme du personnel. Mais entendons-nous, quand vous allez dans ces espaces, ça reste quand même un parc d'amusement, c'est l'impression qu'on en a, entouré de murs, et dès que vous le traversez, vous tombez encore dans le ciel. Des petits paradis artificiels. Oui. Oh, complètement artificiel. Laurent Turcot, merci beaucoup. Je vous en prie. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.